instant un peu peur. Quelques mots dits tout bas, des gestes que l'on ne fera pas. Toujours un regard, ce que l'on trouve un peu bizarre, ce qui se cache derrière les miroirs, et que l'on garde au fond de nos mémoires, même les plus dérisoires, innocents juste par hasard. Balaye tout en un instant.